Papa et moko mouta tcha ki soumanya. Pote mouta zaka li bousa kani sa keritage kouzala ya ye. Tanga bwaka makina mabele, atoni sa makina nkele. Ezalaki na mboka moko, tata moko azalaki na basi ebele oh. Azalaki pe na bana ebele, pe na basali na ye oh. Azalaki na mwana moko moke, molinga mia motema na ye oh. Abongisaki sima ya liwana ye ye, ike azwa libula na ye oh. Televizwa papa na ye moko ye ye. Mwana mosala kutwa beta kiye. Nyoso anapona vola muna ye oh. Papa nini ya kukiko ndima. Mwana na ye ya waza akumba motuka. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne lui fait pas d'un esclave. Quel que soit le mec de tout. Car la oulie testament. Il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. En testament, les faits ne valables qu'en cas de mort, puisqu'il n'y a aucune faute tant que le testateur vit. Oh là, oh là, oh là. Soit-il que la vie soit différente. pesama ya mbonde ni loba ya bomoni ya mbonde visa lola visa esa la kamoche mais il est kaka bio ya pepo na pale Yambonde, Yambonde.